Je ne vais plus à Borny. J'ai mal au cœur quand tu m'écris. Je ne vais plus à Borny. J'ai chaud de toi, j'ai froid la nuit. Je ne vais plus à Borny. J'ai mal au ventre quand tu souris. Je ne vais plus à Borny. Dans ton appart, je vois la pluie. Satanée route, quelle chienne de vie. Je ne vais plus à Borny. Tu ne réponds plus quand je t'écris. Je ne vais plus à Borny. Je ne vais plus à Borny.